poisson est mis là, comme ça. Donc, il y a des compartiments. Vu les planches qu'il y a là, hein, ouais. Comme ça, et tu compartiments tout comme tu veux. Sitôt. Six tons of ice. Six tons of ice. On embarque 15 tonnes de gasoil. 15 tons of gasoil. 15 tons of gasoil. Et la cuve avant, là il y a une cuve, 2 tonnes d'eau douce. 2 tonnes de fresh water. 2 tonnes de fresh water. Pour combien de they are on board? They have 3 à bord. Hein? Ouais, here. Ouais, 3 à bord. Well, it's hard work. Yeah. What's up?